Bonsoir chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro et bienvenue à l'écoute de cette édition de ce samedi 2 janvier 2021. En voici l'essentiel. Le chef de l'État prévient les fonctionnaires de l'État qui seront coupables de détournement des fonds publics et qui seront attrapés seront démis de leur fonction. Le président de la République a indiqué que le ministère de la Justice est à l'œuvre pour identifier les auteurs. Et les nouveaux cahiers de ménage initiés par la mairie de Bujumbura ont une validité de plus d'une année. Cela a été indiqué par le maire de la ville de Bujumbura. Et plus de 250 élèves de l'école fondamentale de Ruziran, commune Matana de la province où nous sommes au sud du pays, n'ont pas de salle de classe. C'est au moment où le deuxième trimestre pointe à l'horizon. Les autorités scolaires plaident pour une réhabilitation. Et comme vous en avez l'habitude tous les samedis, à la fin de cette édition, je vais céder le micro à Jean-Bosco Nduimana pour vous présenter la revue de la presse. Bienvenue pour les détails. Innocent Yurimana est à la manette du son. Moïse Misago est à la présentation. Je vous le disais tantôt, le ministère de la Justice est à l'œuvre pour identifier les auteurs des détournements des deniers publics. Déclaration du président de la République lors de l'émission publique animée ce mercredi à Ngozi. À côté de la remise des fonds détournés dans les caisses de l'État, l'auteur sera démis de ses fonctions, selon toujours le numéro 1 burundais. Il explique que les fonds publics qui avaient été détournés mais récupérés sont énormes ces derniers jours. Suivez le président de la République, Evariste Ndayishimiye, traduit en français par Eleni Bel Nebegira. Ces derniers jours, nous avons récupéré une somme considérable d'argent. Moi, j'ai dit, il faut que les fonds volatilisés reviennent dans les caisses de l'État. Nous avons remis, par exemple, récemment, 100 000 dollars, il y a 1 milliard, et des centaines de millions récupérés la fois passée. Il y a encore une centaine de millions récupérés, et je me suis dit alors qu'il faut ouvrir un compte bancaire qui serait alimenté par cet argent récupéré. Celui-ci contribuera dans la construction des écoles et dans l'achat du matériel scolaire, comme les bancs pupitres, étant donné que les fonds allaient être détournés. Alors, les enquêtes judiciaires ont déjà commencé pour identifier chaque personne et le vol qu'elle aura commis pour enfin la destituer de ses fonctions une fois déclarée coupable. Par la suite, je verrai qui l'embaucherait après avoir sorti un décret mettant au clair ses défaillances. Le travail est en cours. Une semaine ne peut pas s'achever sans que la première personne ne soit mise à la porte, car ils ont refusé d'abandonner cette mauvaise habitude et nous n'avons plus de choix. C'est le moment de passer aux sanctions. C'est comme ça qu'on va affluer les caisses de l'État. On cesse de voler et on travaille sans relâche pour qu'il y ait beaucoup de rentrées. Au cours de la même émission, le président de la République trouve sans équivoque que les terres de Nyabugete en zone Kanyosha de la commune urbaine de Muha appartiennent à l'État. Selon lui, ce sont les propriétés transformées en paysannat pour être occupées par le coton et ont été illégalement occupées par la population suite à la crise et à la faillite de la compagnie de gérance du coton Cogerco en sigle. Encore une fois, suivez Evariste Ndayishimiye, président burundais. Nyabugete, les résultats des enquêtes montrent que les terrains appartenaient à la compagnie de gérance de coton du Burundi. Moi, je me rappelle que c'est la Cogerco qui exploitait ses réserves cotonnières. Le gouvernement avait attribué ces terres à la Cogerco pour qu'elles soient occupées par le coton. Et par après, la Cogerco a mandaté les cotoculteurs pour être transformés en paysannat et c'est la Cogerco qui donnait le coton et les produits de pulvérisation. C'est comme les terres domaniales aujourd'hui attribuées aux coopératives pour les exploiter, mais cela ne veut pas dire qu'elles leur appartiennent pour du bon. Et voilà, pendant la crise, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la Cogerco est tombé en faillite et a suspendu ses activités cotonnières. Puis, les paysans qui alors cultivaient du coton se tournent vers le manioc et d'autres cultures. Et après le retour de l'État sur terrain, ces paysans ont qualifié le gouvernement de spoliateur. Voilà la situation pour une bonne partie des terres de Nyabugete. Seulement, une personne qui s'est déjà autodéclarée propriétaire d'un bien, il lui semble difficile de le remettre, d'autant plus que, pour le cas en question, ils disent qu'ils sont nombreux, qu'ils vont s'y opposer et s'insurger. Et si tous les Burundais aussi s'insurgeaient pour réclamer ces terres communes, qu'est-ce qui se passerait? Mais c'est comme ça que le gouvernement est en train de gérer la situation, car ces propriétés appartiennent à l'État, synonyme de tous les Burundais. Il y a donc des gens qui se sont accaparés des terres domaniales, et le gouvernement est en train d'analyser si ces terres appartiennent à l'État, pour ne pas dire à toute la population burundaise. Mais ce sont les services de l'État chargés de les récupérer, si elles appartiennent à l'État, si elles appartiennent aux particuliers, il n'y a aucun problème. Car l'État attribue aussi à la population un terrain, car tout Burundais a droit au logement. Ce sont ces terres de l'État dont une partie revient à une personne sans abri. Et les administratifs à la base à mairie de Bujumbura doivent communiquer à la population la disponibilité des nouveaux cahiers de ménage dans toutes les communes de la mairie. Cet appel est du maire de la ville de Bujumbura, commissaire de police Jimmy Atungimana, qui précise que la validité de ce document dépasse une année. On l'écoute. Les administratifs sont au courant de ces cahiers et ils doivent faire des communiqués. Ils savent comment ils le font, en commençant par l'administrateur et descendre chef de zone, chef de quartier, chef d'avenue, et ainsi de suite. Alors, cette sensibilisation est déjà connue au niveau de ces administratifs. Donc, je pense qu'au mois de janvier, ils devront mettre en pratique cette innovation. Pour le cas des cahiers qui n'étaient pas encore terminés, nous devons les ramasser et les rassembler au niveau de la mairie. Nous allons les mettre dans nos stocks. Et là aussi, nous devons faire des statistiques. Les ménages qui ont régulièrement utilisé ces cahiers de ménage anciens. Alors, les statistiques des cahiers actuels vont nous permettre de connaître en réalité la population qui réside dans la capitale économique Bujumbura. Isanganiro. À 18h09, et poursuivant cette édition par la page éducation où la direction et les parents d'élèves de l'école fondamentale d'Orudzira en commune Matana de la province Burun sommes aussi du pays tirent la sonnette d'alarme pour une urgente réhabilitation des 8 salles de classe dont les tôles ont été récemment endommagées. Ils disent qu'il sera difficile de pouvoir trouver ou caser les 265 élèves qui fréquentaient ces salles de classe avec le prochain début du deuxième trimestre, vu qu'une bonne partie des salles qui avaient été réquisitionnées pour la passation des examens du premier trimestre seront utilisées à d'autres fins. Jean-Pierre Misago. 265 élèves sur 628 élèves que compte l'école fondamentale de Ruzira en commune Matana de la province Bururi sont ceux qui sont dans le besoin des locaux pour les activités scolaires dès le début du deuxième trimestre de cette année scolaire en cours, selon Corneille Ndaïhérégé, directeur de cette école fondamentale. Les 8 salles de classe qui abritaient ces 265 élèves ont en effet vu leur toiture endommagée tout au début des examens de fin du premier trimestre et dans la foulée, les salles du centre de santé de Ruzira, alors en attente d'inauguration, et l'église de Pentecôte de la place ont été utilisées pour la passation de ces examens. Alors que ce centre de santé peut être inauguré à tout moment au cours de ce mois de janvier, dit le directeur de l'école fondamentale de Ruzira, le manque de salles de classe est imminent et la direction ainsi que certains parents élèves interrogés demandent à toute personne capable d'intervenir en rendant disponible les tôles dans l'urgence. Antoine Sabiyumba, directeur provincial de l'éducation à Bururi, dit être au courant de cette situation et informe qu'en collaboration avec l'église de Pentecôte de Ruzira, on s'active pour que les activités scolaires se poursuivent en attendant une intervention d'envergure sur environ 27 millions de francs burundais nécessaires pour l'honorer normaliser la situation à cette école, moins d'un huitième est déjà disponible. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. De Bururi, rendons-nous à Muyinga où l'administrateur de la commune Muyinga demande aux administrés de régler les litiges liés aux dettes par voie judiciaire au lieu de recourir aux expropriations forcées dans la communauté. Cela fait suite à un système de prêt d'argent avec un taux d'intérêt exorbitant, stratégie dite Banque Lambert développée ces derniers jours par certains commerçants de Muyinga pour faire fortune, une pratique qui a conduit à l'emprisonnement des débiteurs défaillants, dont les fonctionnaires de l'État. Dieudonné Nzeyimana, correspondance. Devant une maison dont les propriétaires ont été contraints de céder la propriété, les habitants jugent illogique des expropriations forcées devenues monnaie courante dans la localité de Ruizi, zone Rugali. Trois familles voisines ont déjà pris le chemin de la Tanzanie. Imagine, avec un prêt de 200 000 francs, on peut se retrouver dans l'obligation de rembourser plus d'un million de dollars. L'État devrait intervenir. Juger ses habitants. La pratique communément appelée Banque Lambert se fait parler dans plusieurs localités. Cet homme relate les faits d'une famille de la colline voisine de Mahonda. L'homme et la femme ont dû quitter le pays dans l'incapacité de rembourser un million de francs burundais d'intérêt généré par un prêt d'une valeur de 600 000 francs dans un délai d'une année. Ahmed Misago, administrateur de la commune de Muyinga, a fait une descente à Rugali où une trentaine de familles se retrouvaient sur la liste des débiteurs défaillants. Il précise qu'il a recommandé la reprise du droit de propriété sur les terres saisies de force, suppression des créanciers et de conseiller le recours aux juridictions pour régler ces litiges et conseille aux administrés de recourir aux seules banques s'ils veulent contracter des crédits. Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeyimana. Et voilà, à 18h13, nous arrivons à bon port. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis merci à Inosa Yunimana pour la mise en onde. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse avec Jean Bosco Nduimana. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous suivez. Et mes vœux les meilleurs pour cette année 2021 qui commence après une année sombre pour toute l'humanité, puisque marquée par le coronavirus. Dans son éditorial, le journal Iwachu revient sur la libération le 24 décembre dernier des quatre journalistes de ce groupe de presse qui étaient emprisonnés à Bobanza depuis 430 jours pour tentative impossible à la complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. C'est suite à une remise de peine par le chef de l'exécutif burundais, en geste unanimement salué. Cette mesure a permis aux quatre bénéficiaires de célébrer la fête de Noël et du Nouvel An en famille, avec des amis, dont les collègues, souligne Iwachu. Cet hebdomadaire fait remarquer que le journalisme, le vrai, n'est pas un crime, mais un travail de veille, de vigilance citoyenne. Pour son confrère, le journaliste doit être là quand il y a abus de pouvoir, violation des droits, quand les malversations et la corruption sont en passe de passer pour des banalités, un mode de gouvernance. Netpress rapporte, lui, la condamnation dans un procès en flagrance d'Aimé Irambona à 4 ans de prison et une amende de 550 000 francs burundais. Ce quotidien en ligne précise que cet ancien fonctionnaire est responsable de l'urbanisme et de l'habitat pour la région du centre-est et en même temps patron des Imbonerakure du CNDD-FDD dans la province de Gitega, avait comparu avec 5 autres personnes et ont été reconnus coupables de non-assistance à personne en danger, de coopération avec les criminels et falsification de preuves, évidemment à des degrés différents. Ils étaient poursuivis pour meurtre d'un bandit samedi 26 décembre qui volait un carton de carreau. Il a été battu jusqu'à ce que mort s'en suive, précise encore Netpress. Revue de la presse. Le retour des victimes des inondations de Gatumba dans leurs quartiers respectifs est en cours de préparation, écrit Burundi Echo, qui les estime à plus de 24 000 personnes, dont 11 000 de sexe masculin et 13 000 de sexe féminin. Cet hebdomadaire souligne que ce mouvement ne concerne pas les sinistrés des quartiers Mouchacha 1 et 2, ni ceux du quartier Gaharawe, car, explique-t-on, il s'y observe encore de l'eau stagnante et on compte les délocaliser définitivement vers d'autres endroits plus sécurisés. Et d'ailleurs, Martel Burundi Echo, ces quartiers vont devenir un domaine de l'État. C'est également dans cet hebdomadaire spécialisé dans les questions socio-économiques qu'on lit cette semaine que la prescription obligatoire des génériques oppose la mutuelle de la fonction publique aux pharmaciens. En effet, explique-t-on dans ce journal, la mutuelle de la fonction publique s'en est pris à certains pharmaciens, les accusant de ne pas servir ses affiliés suivant la nouvelle liste élaborée par cette société. Les pharmaciens disent être accusés à tort et les affiliés se lamentent. Les commerçants transfrontaliers ou ceux qui exercent différentes activités au port de Rumonge saluent l'amélioration de l'accueil que leur réservent les responsables actuels, rapporte l'agence burundaise de presse, qui précise que c'est après le remplacement des responsables du service maritime sur ce port. Ces usagers de ce port ont affirmé à l'ABP que les cas de corruption qui s'y remarquaient ces dernières années ne sont plus d'actualité. Malgré cela, écrit toujours ce quotidien, ces commerçants transfrontaliers déplorent le manque de matériel de dépistage du Covid-19 à ce port, expliquant que ce défi devient une source de perte selon eux, dans la mesure où ils n'osent pas accéder à l'intérieur du port afin de suivre leurs marchandises du fait qu'ils ne sont pas dépistés. Et on termine cette revue de presse avec la Nova, qui rapporte l'activité de remise des certificats par le centre Africa Genesis for Development Center à plus de 40 lauréats qui ont fait des formations en gestion des projets, communication institutionnelle, anglais professionnel et en gestion des coopératives. Pour Thierry Ndaïziguié, coordinateur de ce centre de renforcement des capacités, ce programme s'inspire du programme national du développement 2018-2027 adopté par le gouvernement du Burundi et des 17 objectifs du développement durable fixés par l'Organisation des Nations Unies, précise son confrère en ligne. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.